Le maréchal Kim Jong-un a envoyé les présents aux délégués à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung. Les présents leur ont été transmis le 25.